dans cette nuit si sublime, je vais voir passer l'étoile, celle qui raconte à nos fils qu'il n'y a qu'un idéal, celui de rester sincère et garder l'esprit pur, les pieds plantés dans la terre, les yeux vers le futur. Dans cette nuit si sublime, je cherche des conseils. Un souffle léger du vent, une voix qui m'appelle. Comment trouver le courage de suivre ce mirage? Pour un cœur comme égaré devant le beau voyage. À la lumière du jour, j'aimerais savoir m'échapper sans penser au retour. Ai-je encore assez d'espoir pour tenter les voyages?